Et tout de suite, eh bien, nous avons de l'autre côté au téléphone Monsieur François Corbier. Bonjour. Salut Sébastien, comment ça va? Eh bien, ça va très très bien. Bienvenue chez nous sur Arc-en-Ciel. Heureux de t'entendre au téléphone. Bah écoute, tant que je suis vivant, autant en profiter. Hein. J'adore. L'humour de François, ça a toujours été le même. C'est ça qui est super. Tu n'as pas changé pour moi. Bah écoute, j'essaye de m'accrocher. Mais voilà. C'est une bêtise, ça va, ça marche comme ça. Voilà. Eh ben voilà. Enfin, quand je dis que tu n'as pas changé, quand je vois, tu vois, j'ai dans la main gauche, les témoins sont en face de moi, ta bio. Tu n'as pas changé. Quand on voit la photo du bébé, t'as un petit peu changé quand même. La barbe est arrivée. Hein. Oui, ben c'est-à-dire, il paraît que je suis né avec la barbe, mais très vite on l'a rasée et il a fallu attendre pour qu'elle repousse. Alors François Corbier, bah forcément quand on dit François Corbier, on te connaît, mais moi je voudrais découvrir une autre facette de toi. Et on va commencer un petit peu par ta bio, tiens, si tu me le permets. Alors la bio, elle est très longue, tu me l'as envoyée, tu l'as écrit. Ben, c'est parce que je suis très vieux, c'est pour ça. Ah. Enfin, tu sais, les gens qui n'ont jamais rien fait, qui font des bios de 3 pages, c'est un peu osé. Mais moi, qu'est-ce que tu veux, ben, j'ai fait plein d'âneries, alors forcément, il y a plein de trucs à raconter. Quoi. Ben, ça me rajeunit pas quand tu dis ça. Mais moi non plus. Forcément. D'accord. Alors donc en fait, Monsieur François Corbier né, on peut donner la date, hein, de 1944. Ah, mais tu peux tout faire. Tu peux tout dire. Alors donc il est né le 17 octobre. Et alors 17 octobre, pourquoi? On en parlera tout à l'heure. Il y a une belle chose qui s'annonce pour cette date-là. 17 octobre 1944 à Paris. Tu es un petit Parisien. Mes parents habitaient. Je sais pas si tu connais Paris, mais enfin, il y a une place qui est un peu connue qui s'appelle la place de la Bastille, là où il y avait autrefois une forteresse qui a été prise le 14 juillet 89. Et moi, j'habitais dans la rue de la Bastille, c'est-à-dire une petite rue qui donne sur la place de la Bastille. Mes parents habitaient là, et voilà. Et je suis né donc à Paris à la fin de la guerre. D'accord. Alors, en passant plein de belles choses dans la famille, on arrive directement en 1960, le début de tes chansons et le cabaret. Et c'est avec ton frère, hein, toi tu avais à peu près 16 ans, et que tu as commencé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque mon frangin est revenu de son service militaire qu'il était allé faire sous la direction du général de Gaulle en Algérie, lorsqu'il est revenu, j'avais écrit des chansons, je lui avais piqué sa guitare et j'avais écrit quelques chansons. Alors je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il m'a dit j'y connais rien, je sais pas, faudrait qu'on demande à quelqu'un qui fait ce métier-là si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc on est allé voir quelqu'un, on en parlera peut-être si tu veux après de ce quelqu'un. Bien sûr, oui. Voilà, et puis comme ça plaisait autour de moi, autour de mon frangin, mes petites chansons, on a décidé de faire un duo de chansons ridicules et absurdes, et on chantait ça dans quelques cabarets. Mais on n'a pas fait ça non plus pendant des années, hein. On l'a fait pendant quelques temps, et puis après, moi je suis parti à l'armée aussi, donc ça s'est vite éteint tout ça. D'accord, oui, donc, et en plus ce monsieur, un petit peu connu dans le métier, c'est monsieur Brassens, forcément. Ouais. Il paraît qu'il est connu. Un petit peu. Moi j'adore parce qu'on me dit toujours, même moi je le dis toujours, je préfère m'adresser directement au bon Dieu qu'au saint. Et là tu as été directement au plus haut à l'époque. Donc monsieur Georges Brassens, c'est qui t'a encouragé avec son opinion. Ça a été une belle rencontre, je pense, pour toi, jeune chanteur guitariste à l'époque, de rencontrer monsieur Brassens. Je vais être tout à fait franc, j'étais totalement inconscient, je savais même pas, je connaissais Brassens un petit peu, bon, j'écoutais la radio, mais bon, j'aimais bien ses chansons, je trouvais ça amusant ce qu'il chantait, et puis on est allé le voir, mais je sais pas, on aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Il se trouvait qu'il était à l'affiche dans un music hall qui s'appelle Bobino. On est allé le voir, il a eu l'extrême amabilité, maintenant en y réfléchissant plus tard, tu vois, on se rend compte qu'il a été extrêmement généreux, quoi. Il nous a accueillis dans sa loge, il m'a passé sa guitare parce que la mienne était fausse et qu'on n'arrivait pas à l'accorder. Je lui ai chanté 3 chansons, tu vois, la patience du mec quand même. Oui. C'est étonnant. Et puis voilà. Mais moi, j'étais pas du tout conscient de rencontrer une star aussi, aussi incroyablement douée, aussi incroyablement gentille. J'étais perdu devant cet homme, je l'écoutais, c'était bien, bon, j'étais content, mais je me suis rendu compte que bien plus tard que j'avais rencontré quelqu'un d'exceptionnel. D'accord. Alors... Je vais même te dire un truc, il a été, quand j'ai fini de lui chanter mes chansons, il m'a dit, non, c'est rigolo ce que vous écrivez, mais est-ce que vous voulez faire un disque? Et je lui ai répondu, Maman voudra pas. Tu vois, c'est te dire, j'étais mais vraiment totalement innocent. Quoi. Maman voudra pas, ça. Ça c'est une belle chose, tu vois. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est à l'époque, les parents avaient une importance énorme, il y avait une domination des parents sur les gosses qui n'existe plus trop maintenant, enfin beaucoup moins. Et ça fait que faire un disque, il était gentil le bonhomme avec ses moustaches là, mais me proposer un disque, j'allais me faire engueuler si je faisais un disque, tu vois. Et en plus avec la complicité de ton frère, donc là c'était deux fois plus une engueulade. Ouais, en plus, oui, c'est ça, c'est que mon frère se serait fait taper dessus. Ma mère lui aurait dit, mais t'es dingue, non, mais ça va pas, non, tu laisses ton petit frère faire des bêtises comme ça, mais ça va pas, et paf, la baigne fait tomber, quoi, c'est sûr. Ah bah ça, c'est vraiment merveilleux. Alors en plus, juste un petit peu après, la mayonnaise a pris avec ce que vous aviez appelé à l'époque avec Claude, les chansons flash, vous avez baptisé les petites chansons flash, chose que tu as repris en cabaret pendant plus de 25 minutes des années. Pendant des années, j'ai fait ça. Je chantais en 20 minutes, 25 minutes. Je devais chanter, je sais pas, une trentaine de chansons. Ces chansons étaient tellement courtes. Mais ça aussi, c'était tout à fait gag. C'est Claude Serra, tu sais, le papa d'Éric Serra, qui a inventé ce nom de chanson flash. C'est lui-même qui a inventé les chansons flash. Donc, j'avais écrit quelques chansons courtes comme ça, mais c'est pas parce que je voulais faire court. C'est parce que je savais pas faire long. D'accord. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Je savais pas écrire des chansons. Donc, j'avais écrit des trucs comme ça, très courts, que je chantais à mes copains. Tout le monde se pliait en deux en disant, mais faut que tu fasses un disque avec tes machins, là. Parce que personne n'écrit des chansons comme ça. Mais pareil, j'avais toujours la trouille, quoi. Donc, j'écrivais mes chansons, mais j'osais pas aller voir une maison de disques avec ça. Ça me paraissait ridicule. Mais, je me suis mis à les chanter quand même en cabaret. Voilà. Puis ça plaisait, les gens s'amusaient avec mes conneries. Alors, une chanson flash de Corbier, ça donne quoi? Juste comme ça, quelques paroles. Mon voisin est cul de jatte, son épouse est cul de jatte, jamais je ne les entends faire, des parties de jambes en l'air. Voilà. Alors, c'est des chansons, en plus, quand on écoute, moi, quand je réécoute ça, des extraits que j'ai vus sur Internet, un petit peu partout, même en relisant le livre, j'imagine tout de suite les chansons, quand tu les chantes, on voit les images. C'est ça qui est génial, c'est une chanson flash. Et en quelques paroles, ça dure pas longtemps, quoi. 10, 15 secondes au maximum, on arrive tout de suite à imaginer ce que tu nous interprètes. Je sais pas, peut-être que ça fait image. En tous les cas, moi, c'est ce que je veux faire, c'est-à-dire raconter en un minimum de mots une histoire qui tienne bout. Bon, c'est pas développé, hein, c'est pas de la philosophie, on va pas en faire 15 volumes. Il va pas y avoir les exégètes qui vont venir en courant en disant Corbier a voulu dire et expliquer ça sur 3 pages. Non. Moi, c'est simplement raconter une petite histoire en 4 vers, voilà. Mais avant les chansons flash, au 19e siècle, il y avait déjà des tas d'auteurs, dont Alphonse Allais, qui écrivaient des fables express. C'était le même principe, sauf qu'il n'y avait pas de musique. D'accord. Alors, on continue ton petit parcours. En 67, tu as fait pas mal de choses. Hein. Tu es rentré au club, tu rencontres Jean-Pierre Elkabbach aux côtés de Buenos Aires. Plein d'autres personnes, donc tu as continué le Club Med, l'Académie Française, et entre deux, il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop, que j'ai mis de côté, tu as remporté le Grand Prix de l'Eurovision. j'adore ça dans la bio, je vais dire mot pour mot, en 63, alors c'est toi qui écris, je remporte le Grand Prix de l'Eurovision, mais personne ne s'en perçoit. Deux petits points, faux, mais c'est dommage. Oui. Voilà. C'est vrai, j'aurais bien aimé qu'on me demande de venir chanter à l'Eurovision une chanson flash et puis qu'on me dise oh, c'est génial, vous avez gagné. Ça reste un rêve. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'humour de Corbier, parce que voilà, même dans sa bio, il arrive à nous raconter quelque chose en remettant un petit truc. Il dit tiens, je le savais pas. Et on lit la ligne d'après. Oh, voilà. Et on dirait presque l'andouille. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais je sais plus avec qui j'ai eu une discussion un jour comme ça au téléphone, et la personne m'avait dit « Ah mais c'est vrai, vous avez gagné l'Eurovision ?» Alors je me suis dit « Merde, j'ai du mal à l'écrire parce que il semblait pourtant que je signalais bien que c'était faux. » Et donc pas mal de théâtre, hein. Tu as fait le Caveau de la République, le Théâtre des 10 heures, l'Olympia, énormément de belles salles sur Paris, des quelques petites tournées. En 70, tu rencontres Jean-Louis Foulquier, les Francopholies de La Rochelle, France Inter, le Tire-Bouchon. Donc on est passé par tout ça. Et alors moi je voudrais que tu nous racontes en fait parce qu'il faut aussi en parler, l'époque de la jeunesse, comment tu as pu arriver au Club Dorothée? Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toi, tu étais chansonnier dans un cabaret, dans ton coin, sur ta petite scène, et tu as fait rire ce jour-là des enfants. C'est grâce à ça, en fait, que tu es rentré à la télévision, sans le savoir. Ouais, c'est tout à fait surprenant. Moi, j'ai jamais demandé à faire de la télévision. J'ai rien contre la télé, mais j'ai pas une passion folle pour la télévision. Et enfin, surtout à l'époque, je faisais du cabaret, du music-hall, et puis je passais au caveau de la République. Et puis Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, Jacqueline Joubert qui fut la première speakerine de la télévision française, vient au caveau de la République dire bonjour à ses amis chansonniers. Et moi, je suis sur scène, et dans la salle, il y a bien sûr que des adultes, et enfin, pas que, puisqu'il y a des enfants aussi. Enfin, c'est une salle qui est essentiellement fréquentée par des adultes qui viennent écouter des choses sur la politique et tout ça. Et il y a des parents qui sont venus avec leurs enfants. Et les enfants rigolent comme leurs parents. Donc, lorsque je quitte la scène, Jacqueline Joubert vient vers moi et me dit « Est-ce que vous voulez présenter des émissions en compagnie de Dorothée ?» parce que vous faites rire les enfants, et moi ça m'intéresse. Vous faites rire les parents et les enfants, ça m'intéresse. Est-ce que vous voudriez faire ça avec nous ? J'ai dit ouais. Je connaissais pas Dorothée, je connaissais pas l'émission qui s'appelait Récréa 2. Je connaissais rien du tout. J'ai dit bah ouais, pourquoi pas, allons-y, ouais. Voilà, et c'est comme ça que je suis rentré à la télévision, mais j'étais persuadé qu'on n'allait pas me garder, quoi, parce que j'étais tout à fait à côté de la plaque, quoi. J'étais pas du tout dans le moule de la télé, ni dans le moule de ce qu'on peut proposer aux enfants. Donc, je suis tout à fait surpris d'y être resté pendant 15 ans, quoi. Parce que, bon, c'était bien, j'étais content de le faire, mais j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Et malgré les copains qui étaient autour de moi, qui m'aimaient bien, qui me tenaient la tête au-dessus de l'eau, mais j'étais un peu paumé, un peu largué. Je savais pas ce que je faisais là. Enfin, 15 ans, c'est quand même formidable. Oui, ben voilà, ouais, c'est ça que je voulais que tu nous racontes, surtout le comment es-tu arrivé là. Ouais. Et après toutes ces aventures, on va faire une petite pause musicale, puis on se retrouve juste après. Alors, moi, je te propose qu'on écoute ton dernier album, donc Le Vieux Lion. Qu'est-ce que tu veux écouter? Tiens, on va en parler un petit peu. Quel est l'extrait de l'album, tu veux? Il y a une chanson qui s'appelle Trop Facile, qui est le résumé de ce qui se passe quelquefois quand on se barre en province, qu'on est accueilli dans un bistrot pour chanter, et on a quelquefois des histoires qui nous tombent sur le coin du nez, et tous les copains qui nous entendent là, qui sont derrière leur poste, connaissent ça. Tous les copains qui font de la musique ont connu des galères invraisemblables. Ben voilà, c'est une galère, ce que je raconte dans cette chanson qui s'intitule Trop Facile, c'est une galère. Et ben voilà, Trop Facile sur Arc-en-Ciel, et on se retrouve juste après. Micro, guitare, ukulélé. Il fait un temps sauvage entre canicule et grelon. Ce soir, je ferai le guignol au fond d'un vieux rad isolé. 600 bornes courage, l'autoroute est pleine de camions. La journée est maudite, les restoroutes sont en grève. Un radar m'a flashé, j'ai envie de bouffer un lardu. Quand j'arrive, la bronchite me déchire et malgré la fièvre, je me mets à chanter suant comme si j'avais le palu. Blague à part, Sainte-Cécile, être une star c'est trop facile. Chanter, le jour se lève, il est 5 heures. Le barman fait dodo pour les survivants, j'autographe. S'il vous plaît, monsieur Cormier, signez sur ma plaquette de bord. Sur les pneus, mon vélo, mon slip et ma boîte de Hénaff. Je remballe mon stylo, j'ai les neurones en serpillère. J'ai la langue en béton et pour mes reins, c'est Pearl Harbor. Le patron des bistrots qui m'a même pas offert une bière. Pleurniche sur mon cacheton en astiquant ses dents en or. Blague à part, Sainte-Cécile, être une star c'est trop facile. tapis, casser, dormir est une obsession folle. Le boss me dit, mon gars, je vais te montrer où est ton lit. J'emprunte un escalier dont la moquette se décolle. La poussière cache mes pas et ça sent l'urine de brebis. Le boss me dit, mon grand, voilà ton lit, ton oreiller. Il est un peu cracra, j'ai pas eu le temps de le changer. Je lui dis, l'important c'est que je puisse me doucher. Il me répond, ton contrat disait pas que tu voulais. Allez, Radio Arc-en-Ciel, c'était un extrait donc de l'album de Monsieur François Corbier, Trop Facile. Et quand on écoute les paroles, François, bah oui, comme tu dis, c'est pas trop facile, c'est la galère, voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chanteurs, en recherchant dans les albums, on a beaucoup de chanteurs qui nous envoient des albums et ils parlent souvent de cette petite galère de chanteur où on commence tout doucement. Tu es monté, il est vrai, il faut le dire, en haut de l'affiche à l'époque avec donc tous tes amis du Club Dorothée. Pendant plus de 20-25 ans, je crois, hein, tu es resté quasiment... Non, pas tant que ça, non. 15 ans de télé, c'est déjà bien, tu sais, c'est beaucoup. Bah voilà, et donc c'est vrai que tu es resté en haut de l'affiche, et alors, du jour au lendemain, tu as décidé de partir du Club Dorothée, et l'aventure a continué après. Et après, on a entendu dire, comment tu es passé sur Europe 1 ou d'autres, hein, d'autres personnes t'ont parlé de la déboire de Corbier. Ben non, jamais, parce que tu as continué tranquillement avec ta guitare, grâce à ta famille, et puis la passion de la musique, la passion de vouloir communiquer, de faire ce qu'on a sous la main, le journal secret, mon journal secret de François Corbier. Toutes ces, comme tu dis, toutes ces petites conneries du matin au soir que tu penses, qui te passent par la tête, ces flashs, tu les notes. Nous, on a le plaisir. C'est ça, voilà. T'as résumé tout à fait bien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai quitté la télé, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais écrire des chansons. Allons-y. J'ai repris ma guitare. Et puis après, on m'a demandé d'écrire des petites histoires. Alors j'ai commencé à en faire un peu péniblement. C'était des petites blagues en 3-4 lignes. Et puis tout doucement, c'est devenu des petites nouvelles. Pas des nouvelles très longues, mais enfin des nouvelles qui font quand même 3-4 pages. Et puis au bout d'un moment, il y en a eu suffisamment pour faire un bouquin, et il y a eu un éditeur, Georges, des éditions de Varly, qui m'a dit, écoute Corbier, moi j'aime bien tes histoires, on va faire un bouquin, je suis persuadé qu'il va y avoir un public pour lire ces histoires, on n'en vendra peut-être pas des millions, mais enfin si on peut en vendre quelques-uns, ce serait une bonne chose. Alors j'ai donné mon accord, et puis voilà, et maintenant je suis en collaboration avec les éditions de Varly, et je suis très très content, voilà, ça se passe bien. C'est le bouquin sortira officiellement le 17 octobre, mais il y a déjà des précommandes, il y a des librairies qui veulent que je vienne faire des dédicaces. Si un jour un libraire à Orléans m'appelle, je serai content d'y aller, voilà. Je ne boude personne et je suis d'accord pour aller partout. Eh bien écoute, on va relever le défi. On va essayer de faire ça, de relever le défi et puis de trouver un libraire sur Orléans qui t'accueille. Au contraire, nous on serait vraiment heureux de toi. En plus, tu n'es plus très très loin maintenant, hein. Tu es du côté de la petite campagne, proche de chez nous. Voilà. Je suis du côté d'Evreux, voilà. Pour aller à Orléans, je sais pas combien de temps il me faut. Deux heures à peu près, ouais. Alors, je suis normand aussi, alors je t'approuve à 200%. Ah oui. Je suis de Caen, originaire de Caen, voilà. Ah oui, d'accord. Okay, ouais. Donc on n'est pas loin. On est voisins, voilà. On est pays, comme on dit. Et voilà, exactement. Alors c'est vrai qu'en plus, l'humour de Corbier, on voit toutes les âneries qui ont pu être dites sur toi, et tu réponds, et j'aime bien ça, hein, quand tu as dit par exemple à Europe 1, et je trouve vraiment bien ce que tu as pu leur dire, je deviens ce que les médias ont fait de moi. Et ça, j'adore. Ce qu'ils ont fait de moi, rien. Voilà, exactement. C'est l'histoire, elle est la suivante, si tu veux. Parce que forcément, l'auditeur a dû se demander ce qui se passait, pourquoi je disais ça. J'étais à Nice. J'étais extrêmement fatigué, j'étais en soins, les gens d'Europe 1, gentiment, me demandent si je peux venir à Paris. Je réponds oui, et je viens à Paris, on leur fait parvenir un disque, un bouquin, et quand j'arrive, je vois que le disque n'a pas été ouvert, tu sais, il y a un cellophane, il n'a pas été ouvert. Et les gars n'ont pas non plus ouvert le bouquin, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et derrière le bouquin, il y a un petit texte qui est « Si les profs des écoles sont pédophiles, mon bébé, c'est pour que le monopole ne reste pas chez les curés. » Voilà, c'est une chanson flash. Voilà, c'est une chanson flash. Que j'ai chanté sur toutes les radios, à France Inter, que j'ai chanté même sur RTL, et même en Belgique au moment des histoires de pédophilie. Donc, vraiment, c'est une chanson que j'ai chantée partout. C'est connard, parce que vraiment, là, j'étais vraiment très, très en colère. Ces gens, donc, non seulement n'ouvrent pas mes trucs, et en plus, ils me demandent de ne pas chanter cette chanson, alors que c'était quand même la chaîne de Jean-Yann et de Coluche, quand même, bon, faut s'en souvenir. Donc, ils me censurent, et en plus, on leur avait demandé de ne pas trop parler du Club Dorothée, parce que c'est vrai que c'est pas... je venais pas pour parler du Club Dorothée. C'est pas parce que je crache dans le potage, c'est simplement que c'était l'occasion de parler d'un bouquin, d'un nouveau disque, etc. Donc, ils me font ça, et ils annoncent aux auditeurs, et restez avec nous, dans quelques instants, nous allons recevoir... nous allons recevoir Corbier du Club Dorothée. Alors je me suis dit, là vraiment ils se foutent de ma gueule, quoi. C'est vraiment des connards, donc je vais leur dire. Voilà, je vais leur dire. Alors je me suis retenu, je leur ai pas dit que c'était des connards, mais j'ai trouvé que c'était malhonnête. Oui. C'était pas bien ce qu'ils faisaient. Voilà. Tu as bien raison, parce que moi j'avais marqué sur le tableau Sébastien, donc Art Musique, mon émission, reçoit le samedi. Alors Abial, j'avais marqué, et en dessous j'avais marqué François Corbier. J'avais même pas marqué, tu vois, le reste derrière du Club Dorothée. Pour moi, oui, c'est vrai qu'on te met cette petite particule derrière, puisque bah, c'est ton passé, c'est ce qui t'a fait connaître du grand public. Oui, mais je n'ai rien contre. Oui. Si ça vient dans la conversation, bien sûr que je vais en parler du Club Dorothée. Je ne suis pas fâché avec mes copains. J'étais très heureux de faire de la télévision, de les faire surtout dans des conditions extrêmement agréables. On voyageait, on allait partout dans le monde. On était estimés des enfants. Donc vraiment, c'était parfait comme boulot. Mais je ne suis pas Corbier du Club Dorothée. Voilà. Je suis Corbier, c'est tout. Bon, Corbier de chez lui, Corbier de sa guitare, Corbier de ses bouquins. Mais je ne suis pas Corbier du Club Dorothée. Le Club Dorothée n'existe plus depuis 20 ans. On pourrait peut-être quand même maintenant passer à autre chose. Bah voilà, pour moi c'est François en plus Corbier, parce que tout le monde t'appelait Corbier à cette époque-là, et moi, bah voilà, c'est il y a un petit nom devant, François Corbier d'Evreux. Allez, je vais dire François Corbier d'Evreux, voilà. Tu veux, voilà. Alors aussi ça, pourquoi est-ce qu'on ne donnait pas mon prénom? Parce qu'il y avait une autre émission destinée aux enfants où il y avait l'un des personnages qui s'appelait François. Et dans nos émissions pour enfants, on était tous appelés par nos prénoms, Dorothée, Jackie, Ariane, Patrick. Bon, et moi, j'avais un nom, Corbier, parce que on pouvait pas m'appeler François, parce que il y avait déjà, je crois que c'est dans l'île aux enfants, il y avait François. D'accord, bah voilà. Alors, justement, juste pour finir la petite parenthèse, même on en reparlera peut-être tout à l'heure du Club Dorothée, moi j'ai une personne, alors c'est vraiment le pur hasard, c'est un très bon ami à moi qui habite Orléans, enfin même Olivier, moi je suis d'Olivier à côté de chez moi, ouais, que tu as connu à l'époque, qui voulait te dire un petit bonjour quand je lui dis je reçois François Corbier. Il me dit François Corbier, c'est pas vrai. Enfin voilà, il t'a connu à l'époque et il va te dire bonjour. Il est venu ici, c'est un de mes chroniqueurs en fait, il vient régulièrement dans mon émission. Ah ouais. Voilà, et quand il va te dire bonjour, alors si je te dis son nom, on va tout de suite oui, mais on va le laisser se présenter. Voilà, François, bonjour. Oui, bonjour. Alors je m'appelle Patrick, je suis animateur chroniqueur à Radio Arc-en-Ciel. Oui. Et tu connais plus ou moins ma famille, et tu me connais à moi, et puis tu connaissais quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, qui est ma sœur. Je veux parler d'Aliette Paul. Ah oui, effectivement. Je suis son frère, Patrick Azoulay. Très bien. Ah, bah écoute, oui. Mais effectivement, on a dû se croiser, se rencontrer. Mais oui, t'as même dû venir aux obsèques d'Aliette, je crois, qui était Orléans, il me semble. Je suis le cousin de Jean-Luc, voilà. D'accord, ok, oui, je suis allé à l'enterrement d'Aliette, c'était extrêmement douloureux. C'était d'ailleurs douloureux, là. Pénible, oui, je sais. J'avais eu la surprise, ça a été un grand hommage que tu lui as rendu en venant la voir. Écoute, je vais te dire un truc. Lorsque Aliette travaillait au Club Dorothée, dans les bureaux et tout ça, c'était une femme qui avait toujours un mot gentil pour tout le monde, et j'aimais beaucoup discuter avec elle. Elle était drôle, elle était pimpante, elle savait remonter le moral de chacun, parce que c'était pas toujours aussi facile qu'on veut laisser croire. de faire ce boulot d'animateur de télévision. Et elle était là, elle avait un dynamisme qu'on était qu'on n'attendait pas chez cette femme qui était très ronde, très vraiment, elle était épatante. Et lorsque j'ai appris qu'elle nous avait quittés, j'étais d'abord extrêmement surpris parce que je savais pas qu'elle avait pu être malade ou quoi que ce soit. Et lorsque Jean-Luc m'a dit écoute, Aliette nous a quittés, voilà, ça va se passer à tel endroit, l'enterrement, j'ai dit bon bah écoute, je vais venir, voilà, et j'y suis allé. Mais j'aurais préféré ne pas être là. Absolument. J'aurais préféré qu'elle soit grande, toujours avec nous. C'est vrai, mais tu as rendu un superbe hommage et je voulais par la radio aujourd'hui te le dire et te remercier parce que vraiment elle était quelqu'un d'extraordinaire et puis bon, elle avait quand même un passé télévisuel et radiophonique important puisqu'elle a travaillé avec Jacques Martin, elle a travaillé avec beaucoup de gens, elle a fait les bonnes adresses du passé de Jean-Pierre Bloch, elle a fait beaucoup de choses. C'est une professionnelle, absolument. Et puis elle a fait la fameuse émission que Dorothée faisait pour les Balkans, quand elle est pour les pour personnes venir en aide, pour venir en aide à la guerre qu'il y avait en Bosnie, en Serbie et autres pays. C'est ça aussi. Souvent on oublie ça, c'est-à-dire que les gens qui n'aimaient pas Dorothée, qui n'aimaient pas nos émissions, ce qui est leur droit le plus absolu. Oui, absolument. À partir du moment où on s'expose, on s'expose à la critique, et puis c'est comme ça. Bon. Et il faut quand même rappeler aussi que dans les émissions qui étaient présentées par Dorothée, il y avait aussi toujours un côté extrêmement humain. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, des médecins qui venaient parler de ce qu'ils faisaient. Il y avait les émissions pour les animaux aussi. Bref, Dorothée donnait beaucoup de son temps, elle était très très humaine, elle est toujours très humaine, elle va bien. Voilà, et on rappelle rarement ces choses-là. Lorsqu'il y avait eu des inondations du côté de Fréjus, Dorothée s'était beaucoup mouillée aussi dans cette histoire. Ouais. Tu remarqueras que j'ai dit il y a eu des inondations, Dorothée s'est mouillée. C'est formidable, non mais j'ai tout de suite apprécié. Il arrive toujours à glisser quelque chose entre deux. Non mais ça c'est François qui est comme ça. C'est pas fait exprès. C'est bien, mais je te reconnais là, parce que moi aussi j'étais un fan de je dirais pas quoi, tu le sais, mais j'ai surtout travaillé et j'ai surtout fait de la radio à l'âge de 13 ans. En Algérie, et c'était à Sétif. La ville dont est originaire Jean-Luc. Jean-Luc, absolument. Et j'ai fait de la radio avec Jean-Luc. Ah, c'est incroyable. J'ai fait de la radio à l'âge de 13 ans. On avait une émission de variété sur Radio Alger, qui était une... Et on avait un décrochage dans la région, et j'ai fait de la radio avec Jean-Luc, et lui-même était... C'était en 62. Voilà. Et lui-même, d'ailleurs, il y avait un troisième cousin qui s'appelait Gérard. On était trois cousins, les trois mousquetaires de la radio. Et on faisait une animation. Et Jean-Luc écrivait déjà à l'époque l'histoire de Gaston Lagaffe, mathématique, le professeur mathématique et tout ça. On reconnaissait encore déjà sa patte de créateur, puisque tu sais que il a démarré comme ça, et puis voilà, et là j'ai retrouvé mon cousin plus tard à AB quand j'ai eu l'occasion d'y aller et de le voir et de faire la connaissance de toute l'équipe, puisque j'avais même emmené puisque je travaille dans une collectivité territoriale, tous les enfants de cette collectivité territoriale à Paris pour assister à l'émission en direct avait lieu à l'époque le mercredi après-midi, voilà. Et c'est un grand souvenir que j'ai eu, et c'est là que j'ai retrouvé mon cousin, et voilà. Et on se connaissait déjà. Est-ce que tu connais aussi quelqu'un qui semble être de la famille de Jean-Luc, qui s'appelle Pierre Chemla? Oui, tout à fait. C'est de la famille du côté de sa maman. Oui, peut-être. De sa maman, parce que c'était une personne qui était en fait son oncle, l'oncle de Jean-Luc, était médecin chirurgien, je crois, si ma mémoire est bonne, et Pierre Chemla était de la famille de sa maman, de la maman de Jean-Luc, puisque moi j'étais plutôt du côté du papa, puisque son père était le frère de ma mère. D'accord, d'accord. Donc, tu attends, vois, c'est en non, famille attends, tout attends, ça. Attends, ne nous éloignons pas trop. Restons sur Pierre Semelin. On reste sur Terre, voilà. Mais est-ce que, Pierre, ce que je propose. Pierre Semelin travaillait au Club Méditerranée. Il avait un poste très important à côté de Gilbert Trigano. Oui, et donc, tout à moi, fait. J'avais travaillé, je faisais l'andouille au Club Méditerranée quand j'avais une vingtaine d'années. Et il y a quelques années de cela, Pierre Semelin est venu au Club Dorothée. Donc, on s'est salués, on se connaissait un petit peu. Et il m'a dit cette phrase formidable à propos de Jean-Luc. Il m'a dit, Jean-Luc n'est pas un génie, mais c'est quand même un petit génie. Et ça, j'ai trouvé ça très mignon et très gentil. Non, mais c'est vrai, puis c'est un garçon simple, Jean-Luc. Hein, il n'est pas... Alors, je suis content de t'avoir eu au téléphone. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'aurais souhaité t'accueillir ici, mais j'espère que tu auras l'occasion de venir nous voir à Orléans et rencontrer ma famille, et puis nous voir. Et on va essayer. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec Seb d'organiser un passage en librairie pour ton livre. Je voulais te le dire parce que ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ici et justement de pouvoir permettre à des personnes de te connaître mieux parce que sous un autre angle. Voilà, c'est ça que je veux dire parce que c'est important. T'es un être extraordinaire. T'as beaucoup de qualités, François. Merci, mon grand. Mais c'est sincère, hein, parce que voilà. Et je voulais te dire que tu n'étais pas ce que tu pouvais être, un dindon au niveau de l'émission. Tu étais un être qui avait beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur et beaucoup d'humanité. Voilà, je voulais te dire. Tu es gentil, je te remercie. Et je te promets que si un libraire me demande de venir à Orléans, c'est pas si loin que ça, je viendrai avec plaisir faire une dédicace dans le magasin. Et j'aurai l'occasion de t'accueillir chez moi pour un repas. Ça me ferait bien plaisir aussi de t'accueillir. Ok, François. Je prendrai ma guitare, je chante des conneries. Ah, t'es gentil. Mais tu as des conneries que tu chantes, parce que tu es un créateur, hein, il faut pas l'oublier. Tu crées des choses, et depuis tout le temps, je t'ai toujours... quand tu faisais tes petits passages télé, il y avait toujours un petit côté François, un petit côté Corbier, on va dire, hein, qui était particulier, qui était ta touche, en fait. Bah écoute, souvent. Moi je l'ai remarqué en tout cas. Ouais, souvent des gens me disent ça. Vous étiez vraiment très très différent des autres. Et absolument. C'était ce qu'il y avait d'attachant en vous. Absolument. Il y avait beaucoup d'attachement à t'écouter, à t'entendre et puis à te découvrir ainsi sous un autre angle. Voilà. Allez, on va arrêter de se passer la pommade. Non, mais c'est tout. Mais je voulais te dire, ça m'a fait vachement plaisir de t'avoir et puis ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà. Très touchant et voilà. Je t'embrasse. Moi aussi, mon grand. Et ben voilà. Donc revenons sur l'actualité quand même. Mais on échangera. On va échanger. En revenant sur l'actualité, donc de François, voilà Corbier. Après des milliers d'albums vendus, on va le dire comme ça, bientôt des millions de futurs albums. Ton dernier album est le 7e, c'est Vieux Lyon, un album qui a été dédié à ton ami, enregistré en studio, dédié à Cabu. 13 titres qui est sorti en février 2015, qu'on peut toujours retrouver, qu'on a derrière nous depuis un petit peu. Et puis, très fraîchement, ce qui va sortir, l'actualité, pourquoi on t'a eu au téléphone, c'est Mon Journal Secret. Le journal secret, un journal secret, ça se dit pas, mais tu as voulu fêter avec nous ton journal secret en avant-première. Hein, je l'ai reçu hier matin, donc je l'ai un petit peu parcouru. Alors en fait, c'est un recueil de petites histoires courtes, pas flash, parce que ça serait énormément de choses, mais courtes. Hein, il y en a, je sais pas, une bonne trentaine. 53. Il y a 53 histoires. C'est ce qu'on appelle dans la littérature américaine des short stories. C'est-à-dire, c'est des histoires qui sont qui se présentent normalement, et qui d'un seul coup ont une chute abrupte à laquelle on ne s'attend pas. Voilà. Pratiquement toutes les histoires sont bâties sur ce principe-là. D'accord, c'est super. Alors pour en donner quelques-unes, hein, rien que dans les titres déjà, le lion, les mésanges, Noël, le coiffeur, Gilou, Jamila, René, Harry, la pharmacie, la tournée, la fête de la musique, le film, violence, enfin j'allume, je zappe, ma belle, douleur pédicurale. Voilà, c'est quelques-uns des titres qu'on peut retrouver. dans cet album. Et donc, depuis 50 ans, on va dire ce qu'il y a marqué. Donc, c'est monsieur. Alors, déjà, c'est Bruno Léandri, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le rédacteur en magazine Fluide Glacial. Donc, déjà, ça donne le ton. Depuis 50 ans, Corbier dit des conneries. Ça, c'est vrai. Du matin au soir, d'après ta femme, ça, c'est vrai aussi. Des conneries, c'est pas en croire. Pendant longtemps, il s'est contenté de les chanter. Voilà maintenant qu'il entreprend de les écrire. Voilà. Résultat, des histoires. C'est parce que c'est un ami. Hein. Oui. J'aurais été un mec que je connaissais pas, j'aurais refusé qu'on mette ça dans le bouquin. Alors, le résultat, le résultat, c'est qu'en fait, ce sont des histoires abracadabrantes de cet ouvrage, frénétiques et même pas vraies, car sorties de ton imagination maladive. Alors, il doit s'en passer des choses là-dedans, parce que pour lire ça. Et donc... Non mais il a raison en écrivant tout ça. Ce sont des blagues quoi en fait. Oui. Bon, on peut aussi quand même y trouver une résonance quelquefois un petit peu philosophique, mais c'est surtout histoire de rigoler quoi. On va dire que sur les 53 histoires, il y en a, 48 ou voilà à peu près qui sont vraiment des choses faites pour rire les autres. Ben, c'est un peu plus sérieux. Il faut aussi de temps en temps respirer. D'accord, bah oui. Et c'est vrai que tu le dis, hein, même le pire, c'est qu'on va pas s'empêcher de se marrer. La preuve, rien qu'en disant un petit peu la quatrième de couverture, on est déjà en train de rigoler. Et puis, c'est vrai que quand tu le marques aussi, le bouquin se finit en rien de deux. Moi, j'ai reçu hier matin, je te remercie de me l'avoir dédicacé. Et rien que hier matin, hier soir, ma femme me dit, tu fais quoi? Elle regardait la télévision et moi, j'étais à peine une oreille sur la télé et plus penché dans le bouquin. J'ai déjà lu jusqu'à la 140, quasiment à la moitié, 140 pages. Voilà, on le dévore et je pars en vacances très prochainement et c'est le seul livre qui va partir avec moi. Voilà, pour le dire. Ouais, c'est très gentil ce que tu dis, là c'est vraiment très gentil. Et puis, il y a un truc que tu as peut-être remarqué, peut-être que ça te dit rien, mais ça m'étonnerait parce que tu connais bien la chanson, c'est la préface, la première préface, qui est écrite par un auteur de chansons extrêmement célèbre. Claude Lemesse, oui. Ben oui, Claude Lemel, qui a écrit des tas de chansons, c'est lui qui avait écrit On ira où tu voudras, quand tu voudras, l'été indien. L'été indien, bah oui, forcément. Tu te rends compte, ce tube mondial, quoi. Entre autres, mais il a écrit des chansons pour des quantités de gens, pour Isabelle Aubray, pour je sais plus, j'ai pas la liste là en tête, mais c'est un auteur faramineux, et il a été patron de la SACEM pendant plusieurs années, et à chaque fois il était reconduit, on le gardait parce que c'était vraiment un excellent gestionnaire en plus. Non, c'est un type épatant, et quand je lui ai envoyé mon bouquin, il m'a proposé de faire une préface, j'en venais pas, quoi. Ça m'a beaucoup touché. Venant de la part d'un auteur comme ça, c'est vraiment très très plaisant. D'accord. Eh bien écoute, en tout cas, c'est un grand grand plaisir de t'avoir eu au téléphone, François. Et donc, eh bien, on peut le répéter, tous ces renseignements sur ton nouveau bouquin, comme tu le dis, mes chansons flash, disponibles comme tous tes CD, c'est uniquement sur ton site internet, et ça, c'est vrai, sur le www.françoiscorbier.com. Et là, donc, mon journal secret, qui va sortir très prochainement, à une belle date, c'est ta date anniversaire, le 17 octobre. Exact. Voilà. Le 17 octobre, le bouquin sera disponible. Il suffira d'aller en librairie, de le commander. On dit le bouquin de François Corbier, mon journal secret. Ou alors, on vient l'acheter directement sur mon site. Et puis, on le reçoit quelques jours après. Voilà. Et donc, les derniers albums, le 7e entre autres, qui est toujours disponible sur ton site, un petit peu partout, Vieux Lyon. C'est le dernier album que tu as sorti. Prochain album, il y a des idées, des tournées, tu as des petites dates? Alors, j'ai beaucoup freiné ces derniers mois parce que, d'une part, j'ai changé d'agent. J'ai un nouvel agent extrêmement aimable, extrêmement compétent. Donc, mais il faut quand même refaire tout le circuit. Donc, ça va être un petit peu lent, c'est un petit peu difficile. Et puis, j'ai eu quelques soucis de santé. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mais donc, du coup, tout ça, ça m'a freiné. Ça m'a empêché de bouger. Voilà. Mais on redémarre doucement, mais les choses se remettent en place. Pas de crainte. Ah bah c'est super. Bon, en tout cas, nous, on est toujours heureux de t'avoir au téléphone pour blaguer. Et promis, on va se débrouiller de trouver un petit lieu pour faire la sortie de l'album. Et puis, je reste en contact avec Pascal pour tout ce qui se passe de ton côté. Un grand, merci, grand merci. Sébastien. Et puis, bah, de toute façon, on aura le plaisir de se retrouver. Hein. Et puis, un petit coucou à la Normandie. On est chauvin, voilà. D'accord. Tu sais, s'il y a un lien pour réécouter l'émission, pense à me faire un mail. Et je le mettrai en ligne, moi, sur mon Facebook. D'accord, mais il y aura même mieux qu'un lien, je vais te l'envoyer, l'émission, sans problème. Je vais la sortir ce soir et tu vas la recevoir très prochainement par mail, il n'y a pas de souci. Ouais, mais ça, c'est pour moi d'avoir le disque, d'accord, c'est bien. Non, non, mais pour les copains, c'est mieux que tu me donnes le lien. Pas de problème. J'écris le lien et hop. Eh ben, je te fais ça. Et en plus, François Corbier, allez sur son site, vous lui envoyez un petit mail, un petit coucou, et je sais que tu réponds, et ça, c'est vraiment super. Ah, je réponds à tout le monde, absolument. Voilà. Sauf aux insultes, bien évidemment. Pour exagérer non plus. Et ni aux demandes d'amour, hein, monsieur François Corbier, il a dit non. Allez, Sébastien, on raccroche. Merci, à bientôt. Au revoir, François. Salut, merci encore. Ciao. Merci. Me demande dans ta rivière est-ce qu'il reste de l'eau. Puis il grimace tandis que je barbote. Où iras-tu si ta rivière te noie? Et je réponds là où mon chapeau flotte. Juste en dessous, tu me retrouveras. Dans mon cauchemar, il n'y a plus de ciel. J'ai faim, j'ai soif et je tremble de froid. Dans mon cauchemar, j'ai peur qu'on me réveille et que ma vie soit encore pire que ça.